Il est tard soir, à ma fenêtre je regarde. Je vois le monde illusoire, la face cachée de nos villes, des clochards qui fouillent les poubelles. Pourtant c'est la belle ruelle, le jour au centre de la ville. La nuit, le système y déverse sa bile. Et moi j'écris mes vers, un verre à la main, un goût amer dans la bouche, un air malsain qui emplit mes narines. Des jeunes primes sifflent les filles déshabillées du regard par de l'ascar en Lacoste sur vêtements, les yeux pochés, les poches vides. Démarche paresseuse, existence malheureuse, pas de but, mal de bide. Alors le clochard demande une pièce. Y croire vraiment, personne veut le voir. Chacun veut rester dans ses illusions, bercé par le virtuel. Mes rêves en berne, de grosses cernes sous les yeux. Je suis fatigué de constater l'impuissance du ciel. Fucking God, j'ai ma part de problème aussi. Et c'est ainsi, on avance ou on crève. Y a pas de trêve, les rêves nous quittent. Le cauchemar nous pique, nos désirs efface les sourires, c'est de la place au soupir. Les anges devenus démons, je dénombre plus de misère, moins de solidarité. Plus de guerre, moins de pacte et de paix. Plus d'envie suicidaire que de rêve de liberté. On se sent oppressé, sans cesse agressé. La réalité veut s'imposer, mais très peu veulent l'accepter. Voilà la vérité, dit crûment telle qu'elle est. Tant que tu sers à rien, tu peux crever. Mec, je te jure qu'en vérité, y'a de l'abus dans nos sociétés. Et qu'on a tous trop bu, qu'on a tous les yeux trop rougis. Par la vie, par les pleurs, par le manque d'envie. Ce qui nous pousse à ne plus aimer nos vies. On a l'impression qu'on est comme en train de vivre comme des, comme des, comme des, comme des chiens. Alors vas-y, viens, bats-toi petit, te laisse pas faire. Et nique sa mère, le maire, Sarko et gros Didier, allez tous vous faire. On va vous mettre l'enfer, la misère. Tout ce qu'on veut, c'est brûler la France, la mettre dans un état de transe. Il faut que tout le monde transpire, il faut que ce soit pire, pire que tout ce que vous ayez jamais connu. Faut que vous compreniez notre souffrance, qu'on en a marre de partir dans l'errance, de ne pas savoir où est-ce qu'on va, de pas avoir d'avenir. En vérité, toujours en train de se faire exploiter, de payer, mais jamais réussir à satiété dans cette société. Trop compliqué d'essayer de résister. Alors du coup, on attaque, on attaque, on attaque, et c'est tchac, tchac, par la tchac que je te prends. Tchac, tchac, que je te découpe, que je t'égorge. Même pour 2 francs 10 centimes, aujourd'hui pour 20 euros, on bute des gars. Y en a trop marre, y a trop de dégâts qui ont déjà été commis. Alors moi je veux plus de ça, je veux buter du commissaire. Et en dessert, je veux me faire monsieur le maire. Et peut-être même sa mère si je suis motivé. Ouais, gros, Don Vincenzo, you know, this song is created to make money. The crazy man who want to fuck your wife. I'm here, but my mind is free. If you hear me for the first time, you just have to take all your days. Can play frisbee whiz, cause I freeze your chairs on me. Not the best MC, I'm the little Frenchie who come to fuck you for free. Pray girl will chant nothing for you. Nobody can follow me, my crazy flow make happy everybody. You know what I mean, man.